Moi, je resterai, je suis indépendant, je fais mon propre truc, je bitrave moi, avec mon propre zèle. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, j'assure une distribution qui est numérique, donc je fais de mon mieux déjà sur mon album. J'ai une piste seule, tellement j'aime partager. Donc, ça arrive, la famille est toujours là, et les présences sont noires et professionnelles, et ça explique bien le genre de mec que je suis, car je partage, moi, avec deux pains, je nourris 500 mecs avec deux pains. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un morceau de poisson ou une boîte de sardines, et je nourris 500 mecs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça arrive, Gangster et Gentleman, c'est à vie. Tu vois ce que je veux dire? Comme que je dis sur le truc avec le Guelmo, si je meurs, allume-toi sur mon son et tu fumes avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Sous ligne comme SGP, viseur holographique sur le M16. Élimine victime, on fume plus que des hippies dans les 60s. Les gros dans l'ombre, on complote comme les Bilderberg. Vision nocturne, furtive comme Peterson. Précis à distance, sans stress, viseur tête. Chef bidigné, formule secrète dans l'hiver 7. Négro 6-7, lobby. Partage de véhicules noirs comme des Yakuza. Des franchis français dans ma peau. Avis négro comme un dit de la Mara Salva, Trucha. SO2, mes négros sont mes frères. Chimiste, prométhazine, on extrait. Négro dans l'autre merde, on excelle. Le tuant en Mexico le jour de ton décès. Shalato, c'est un Shoutout à la sec, c'est neuf comme une indica qui monte à la tête. Son fume t'envoie dans un monde parallèle. Tous les jours j'élève mon esprit grâce à la verve. SOLP, négro rap sombre. 32 bédos dans le bendo, ça qu'on sprite sombre. Dans cette mer jusqu'à que les glaces fondent. MMS, plein d'alligators aux écailles sombres. Si c'est une gramme blonde comme Young Simi. Plusieurs négro, 11-11 fili. Si c'est en nutrition, 11 fini. Demi blanche, négro, 11-11 fini. Kérosène dans les OCB. Négro, SO. OBG, possédé, je me sens comme sourd. On est gros comme orange, j'écoute cette merde avec une grosse épée. Gazette dans l'usine comme des Asiatiques. Aïe, allez, esprit des comme des Asiatiques. Ça des soins de mecs comme des Asiatiques. Dans l'usine comme des Asiatiques. Aïe, allez, yes, comme des Asiatiques. Ça des soins de mecs comme des Asiatiques. Allez, pour cache, négro, black, dinero. Comme une diamant, saphir, émeraude. Crack, dinero, SOVA. 16.4 000 négros. Aquarium dans le F-16. Dans le ciel, j'ai des chemtrails. Je découpe cette merde comme Fury Denzel. Assassination microphonique, ADM, négro, ma sec flingue chaque jour. J'ai ça dans les rues, négro, équipe suprême comme les zombies de Flatbush. Je suis ici dans la boue comme 15 chimistes. MS fume jusqu'à l'infini. Corleone de l'or sur les incisives. Un message optique, négro, invisible. Sniper, 205, 15, 8, 12, 14, Corleone, 2014, LDO, MS, salope, NS.